Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans Mise au Point, le podcast qui vous présente une personnalité du monde du cinéma par épisode. Et aujourd'hui, notre mise au point va se faire sur ce podcast, tout simplement. Voilà, c'est l'épisode de présentation, l'épisode où je vais me présenter personnellement, expliquer un peu le concept du podcast, comment ça va se passer, etc. Donc, on est parti directement avec ma personne. Voilà, on expédie le plus barbant en premier. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans. Voilà, je suis élève de première. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà d'autres podcasts, savoir un podcast qui s'appelle Tiny Movies, que vous pourrez retrouver pareil sur toutes les plateformes, et un podcast qui s'appelle Le Podcast de la Nuit aussi, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. J'ai un compte Instagram, enfin tout ce que je dis sera dans la description, mais j'ai un compte Instagram qui s'appelle Cinémacro, et voilà, c'est à peu près pour moi. Et en fait, j'ai eu envie, je me suis dit, tiens, c'est con, c'est... Bon, en fait, ça m'intéresse d'aller m'intéresser en fait sur la vie des gens que je vois dans les films, ou des gens qui font les films, ou qui les écrivent, etc., et d'apprendre plein de trucs. Ça m'intéresse, et je me suis dit, putain, c'est con, parce que j'ai vachement envie de partager ça. Et donc je me suis dit, voilà, on va faire ce podcast. Et donc l'idée de mise au point est née dans ma tête, et me voici en train d'enregistrer l'épisode de présentation. Le podcast généralement va se diviser en plusieurs parties que je vais vous détailler. Ce sera généralement les mêmes, il n'y aura pas normalement de changement, ça peut arriver que voilà. Mais normalement donc que ce soit que ce soit acteur, réalisateur, scénariste, etc. Voilà, ce sera la même chose. En principe, on commencera par une biographie de la personne, des choses assez factuelles. Voilà, on raconte comment il a commencé, comment machin, etc. Et on va raconter des petites anecdotes aussi sur sa vie. Voilà, ça peut être l'occasion. Moi, j'aime bien les anecdotes un peu fun à raconter. Ensuite, il y aura peut-être une autre étape, mais ça, j'y viendrai après, parce qu'il y aura des épisodes pas spéciaux, mais voilà. Ensuite, donc en gros, je vais essayer un peu de décortiquer en fait la manière dont cette personne travaille. Donc si c'est un scénariste, l'écriture, si c'est un réalisateur, comment il compose ses plans, quels sont les mécanismes qu'il utilise. Voilà, je vais essayer de décortiquer un peu, d'analyser le style et d'essayer de livrer en soi un avis objectif. Et enfin, en dernière partie, ce sera plus en fait un avis personnel sur la personne et une critique de certaines œuvres. Voilà. Donc, par exemple, si c'est un acteur, je critiquerai je critiquerai, quand je dis critiquer, c'est pas négativement, c'est critiquer. Ça peut être négativement, hein. Mais voilà, c'est donner mon avis sur des films qu'il a fait, qui sont plus ou moins connus. On va essayer de prendre les plus connus, si c'est un acteur ou une actrice ou un réalisateur ou une réalisatrice qui a fait beaucoup beaucoup beaucoup de trucs, on essaiera de prendre les plus connus. Si c'est des gens qui n'ont pas fait énormément de choses, on essaiera de tout critiquer. Mais donc voilà, donc ça se finira comme ça. Et donc la subtilité de ces épisodes, c'est que je me suis dit, ce serait con de faire ça tout seul, parce qu'il y a des gens extrêmement fans de certaines personnes du milieu qui voudraient s'exprimer quoi sur ces personnes-là dont elles sont fans. Et donc je vais essayer, et je peux déjà vous dire que ça part plutôt bien, puisque sur 5 épisodes, il y en a 3 dont ce concept va arriver. Et donc ce concept, c'est tout simplement des invités. Voilà, des invités, que ce soit des gens que je connais personnellement, des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma, etc. On va essayer d'avoir le plus d'invités possible quand je parlerai d'une personne avec lesquelles la personne a un rapport particulier. Vous verrez que je ne choisis pas mes invités au hasard. On en reviendra dans les épisodes avec invités, mais je ne les choisis pas au hasard. Et donc, pour l'instant, sur les 5 épisodes que j'ai en tête, il y en a 3 qui se feront avec invités, et je suis très content d'avoir ces 3 invités-là. Ça me tenait à cœur qu'ils soient là, et ça me fait très plaisir que les 3 aient accepté. Et donc, ce que justement je disais, c'est que donc entre la partie biographie et la partie analyse, il y aura un petit entretien avec l'invité, justement, concernant la personne qu'on présentera, où je l'interrogerai un peu sur son rapport avec la personne, sur quand est-ce que tu as découvert le travail de machin pour la première fois, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça a changé ta vie, des questions type comme ça, qui seront préparées à l'avance, vous en faites pas. Il y aura ce petit entretien qui viendra se caler entre la biographie et l'analyse dans les épisodes avec invités. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Le premier épisode sortira dans quelques jours. Voilà, je peux pas donner plus de précisions. Ça sortira dans quelques jours, pardon. Je peux donner un indice déjà que ce sera sur un acteur qui a gagné plusieurs Golden Globes. Voilà, j'en n'en dis pas plus. Ce sera à découvrir. Donc voilà, j'espère que le concept vous plaît, que vous avez été emballé et que vous allez suivre ça. En termes de durée des épisodes, je vous avoue que je sais pas trop. En fait, je vais voir. Je pense que ça dépendra surtout. Puis il y a le truc avec invité, donc ça dépendra de combien de temps on s'épanche. Mais donc voilà, je vous avoue que la durée, je n'en sais rien. Ça va être un grand saut dans le vide. Mais je suis heureux de faire ce saut dans le vide parce que voilà, c'est un projet que je travaille, qui travaille dans ma tête depuis longtemps. Et donc je suis enfin heureux de le mettre en place. Et bah voilà, j'espère tout simplement que cette écoute est agréable pour vous. J'espère que vous êtes emballés par le projet. Et pour ma part, je vous dis à très très vite pour le premier épisode de Mise au point.